Mais l'entretien entre les deux amants est interrompu par l'arrivée de Cornélie, portant dans les mains l'urne reçue de l'affranchi Philippe, urne qui contient les cendres de Pompée. Cornélie vient révéler à César et à sa suite, et à Cléopâtre, le complot ourdi par Ptolémée contre César. Mais elle précise bien qu'elle agit ainsi, non par générosité envers César, mais pour se venger de lui. Elle ne veut pas la mort sous les coups d'un roi barbare et d'un traître. C'est à Rome et sous le glaive d'un Romain que doit tomber César. Cornélie apprend alors par Cléopâtre que Fauteur et Achillas ont été exécutés sur l'ordre de César. Mais Cornélie rappelle à Cléopâtre que son frère Ptolémée est lui aussi responsable de la mort de Pompée. Et Cornélie espère que Ptolémée sera lui aussi châtié. C'est alors qu'à Corée, un écuyer de Cléopâtre vient annoncer que César a déjoué les projets criminels de Ptolémée et qu'il a attaqué les troupes royales d'Égypte, attaque au cours de laquelle Ptolémée est mort. César arrive alors avec son escorte habituelle.